Le printemps est enfin arrivé et pour vous préparer pour la belle saison, le magasin Canadian Tire est fin prêt. Que ce soit pour les articles de piscine, tondeuse ou le centre du jardin qui ouvrira très bientôt, le magasin Canadian Tire a tout ce qu'il vous faut. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Adolbo-Mistassini, canadiantire.ca. Le magasin Canadian Tire tient à souligner le mois de l'arbre et de la forêt. La forêt, un des moteurs économiques de notre secteur. La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler de golf avec notre ami Martial Bouchard, nouveau retraité de son emploi. Salut Martial. Salut. Martial, comment tu trouves ça de la retraite? C'est ta première journée. Est-ce que tu étais prêt d'abord? Bon, oui, j'étais prêt. Ça fait à peu près un an que je préparais ça. OK. Donc là, c'est comme ma première semaine de vacances. Là, finalement, on ne sent pas plus retraité qu'en vacances. On va voir ça à long. OK. Martial, évidemment, je t'appelle parce que tu es président du club de golf de Saint-Prime sur le lac Saint-Jean. Comment c'est que vous avez connu un hiver quand même, vous avez le directeur général qui est parti cette année. Comment est allé l'entre-saison? Ah ben, écoute, ça a bien été. Donc, on a fait quand même notre lac à la peau, là, comme prévu. Et puis, on a décidé d'embaucher par intérim là, un directeur général, okay. Qui est M. Roger Caron. Okay. Donc, Roger est en activité depuis le mois de février, à peu près, via toutes les possibilités de communication qu'on a aujourd'hui. Ouais. Donc, il est à distance. Il a passé quelques temps en Floride. Mais là, il est arrivé depuis le milieu de mars, on va dire. Okay. Et là, ben, terrain est bien en shape, là, puis les activités sont commencées pour de bon. Ouais. Est-ce que, parle-moi maintenant du nombre d'inscriptions. Est-ce que ça a quand même bien été? Ben là, pour l'instant, là, je peux pas donner de compte rendu. Là, les gens sont en train de payer leur cotisation annuelle. Mais on s'attend que ça va ressembler à l'année passée. On a quand même fait une promotion assez agressive au niveau des nouveaux membres. Okay. Donc, pour les nouveaux membres cette année, c'est 999 $ taxes incluses. Okay. Et on leur garantit le tarif là, pour les trois premières années. Donc, c'est un avantage vraiment important. Ben, pour l'instant, on a quelques-uns. Est-ce que ça aurait été des nouveaux membres sans la nouvelle tarification? Je ne sais pas. Est-ce que ça aurait été des membres à forfait? Là? Écoute, on n'a pas posé des questions nécessairement là, une après l'autre, mais on espérait beaucoup aller chercher des membres là, qui existaient. Par contre, avec le début de la saison tardive, il y a peut-être que ça va les freiner un peu. OK. Ben, c'est sûr, c'est toujours ça. Hein. Depuis quelques années, ça part mal. Hein. Tu veux dire, c'est encore une fois cette année. Ça fait deux ans là, que c'est assez ordinaire comme début de saison. OK. Ben, ça donne le ton. Hein. Oui, effectivement. OK. Les revenus qu'on n'a pas en mai, là, c'est rare qu'on les récupère en octobre-novembre. C'est sûr que ben, normalement, c'est là que ça se passe. Puis les gens n'ont plus le goût à ça, ils ont passé à d'autres choses. C'est ça. Ils ont fait d'autres choix. Ouais. Puis là, ben, le choix, là, c'est encore le temps là, d'ici à fin mai là, de recruter un peu. Mm. Mais ça fait tard un peu. Par contre, on a eu une campagne de financement qui était bien chapeauté par Hélène Laflamme, là, qui va très bien. Là. On va encore récolter au-dessus de 40 000 $ de commanditaire. Okay. Et on a un appui extraordinaire de ce côté-là. Okay. On a encore les appuis également de la MRC et de la ville de Saint-Prime, la municipalité de Saint-Prime. Mm. Ce qui fait qu'on espère cette année là, avoir une année beaucoup plus performante au niveau financier que l'année dernière. Puis moi-même, étant à la retraite, là, je pourrais donner un coup de main. Là, ben, ça va être ton dada un peu, ça. Hein? Ça va être ton dada un peu maintenant. Ça. Oui, ça prend de quoi s'occuper. Il faut arrêter trop raide, ça. Là. Ben oui, effectivement. Le week-end golf, ça revient-tu? Oui, le week-end golf revient avec Jonathan qui va être collaborateur du week-end golf. On a quand même retenu ses services aussi pour le côté jeunesse et le golf féminin. Donc, tout est en place là, aujourd'hui. Le week-end golf va être peut-être un petit peu raccourci. Là, peut-être la journée du samedi n'existera plus. Mais dans l'ensemble, là, il va y avoir une semaine intensive. Puis comme on a le championnat régional junior dans cette même semaine-là, donc ça va comme allonger, mais du côté de le début de semaine plutôt que fin de semaine. OK, OK. Puis c'est quoi le week-end golf? Ça va ressembler à quoi? Ben, week-end golf, ça va être le Saint-Prime Open, Ouais, mais c'est-tu déjà... la formule, est-tu déjà arrêtée? La formule, est-tu... Oui, la formule est arrêtée. Il restait juste les dates à valider, là, pour être sûr que c'est les bonnes dates, là. Mais tout est arrêté. Ça va être sur 2 jours plus intensifs, plus le championnat junior régional. Qui, OK. Il devrait faire partie de l'activité. Puis on va avoir quand même notre concours de potting là, qui permet à quelqu'un d'aller C'est pas mal ça la clé, hein? Ben, tu sais, il y avait le concours de drive aussi, là. Sauf que dans les 2 dernières années, là, on avait pas mal tout le temps les mêmes cogneurs. Ça attirait un petit peu moins de monde. Ça dépend de beaucoup de choses, hein. La température, la journée, à quelle heure que ça se tient, à quelle heure ça finit. Donc, là, on a fait un choix, puis peut-être qu'il y a des activités qui vont revenir en alternance, plutôt que revenir annuellement dans le week-end golf. Mais on veut quand même tenir une semaine intense de golf là, à Saint-Prime, donc sur le club du domaine de l'Axe-Saint-Jean. OK. Autre nouveauté, Martial, peut-être à ajouter, est-ce qu'il va y avoir autant de tournois, plus de tournois, moins de tournois, comment ça va marcher? Il va y avoir une couple de tournois de plus, mais non, il n'y a rien de spécial dans la programmation, là, outre ce que je t'ai parlé tout à l'heure. OK. Martial, un gros merci. À cette heure que tu es à la retraite, fort probablement que ça va être toi qui va faire les chroniques. Oui, ben, je vais en faire quelques-unes, mais mon directeur général va pas se mettre en... s'il va avoir de l'activité ou des choses importantes, probablement que ça va être lui qui va prendre la relève. OK. Ben, Martial Bouchard, président du club de golf de Saint-Prime. Merci, Martial.